22-10, observation, communication téléphonique. Allô, Mireille ? C'est moi. Allô, Madame Courtois ? C'est moi-même. Allô, Mireille ? Ne quitte pas, je te la passe. Allô, Madame Courtois ? Attendez, ne quittez pas, je vous la passe.